الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toujours dans la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas في شرح كتاب التوحيد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. La semaine dernière, on avait entamé le livre, le chapitre du fait que l'on ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit dans lequel il y est sacrifié pour autre qu'Allah. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا بنوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. Selon Thabit ibn al-Dahhak, il dit « Un homme a fait le vœu de sacrifier un chameau à Nuwanah. » Il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, après qu'il y ait été questionné sur le fait qu'il ait fait un vœu de sacrifier un chameau dans l'endroit appelé Nuwanah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Est-ce qu'il y a là-bas une divinité parmi les divinités de la période anté-islamique qui y est adorée ?» Ils ont répondu « Non ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Est-ce qu'il y a là-bas une fête parmi leurs fêtes ?» Ils ont dit « Non, Afwan ». Est-ce qu'il y a là-bas une divinité parmi les divinités de la période anté-islamique qui est adorée? Ils ont dit non. J'ai dit oui, moi. Ou j'ai dit non? J'avais dit non. Est-ce qu'il y a là-bas une fête parmi leurs fêtes? Ils ont dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit à cet homme, « Aouf ibn adrik, mets en œuvre ou applique ton vœu, car l'on ne l'applique pas un vœu lorsqu'il comporte une désobéissance à Allah, et également l'on n'applique pas le vœu dans ce que la personne ne possède pas. » Hadith authentique, rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses Sunan, et la chaîne de transmission de ce hadith est conforme à leurs conditions. À la shartihima, ici, les conditions de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim. ثابت بن الضحاك قال شيخ الفوزان ثابت بن الضحاك هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي الأشهلي الخزرجي الأنصاري صحابي مشهور مات سنة 64 نذر النذر لغة الإجاب وشرعا هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء من العبادات لم يكن لازما عليه شرعا بنوانه عضبة من وراء ينبع وثن الوثن كل ما عبد من دون الله من قبر وغيره عيد العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد على شرطهما أن ينطبق عليه شرط البخاري ومسلم الذي هو اتصال السند بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. Les termes du hadith. Cheikh al-Fawzan, hafizahullah, dit Thabit ibn al-Dahhak, qui est Thabit ibn Dhahak, ibn Khalifa, ibn Tha'lab, ibn Adi, al-Ashhali, al-Khazraji, al-Ansari. Donc il faisait partie de l'Ansar et c'était un compagnon réputé, radiyallahu anhu, qui est mort en l'an 64 de l'Hégire. Cet homme a fait le vœu Nazara. Et le vœu, un Nazro, en langue arabe, signifie le fait de s'imposer, d'imposer. Et en islam, cela signifie qu'une personne impose à soi-même une chose parmi les adorations qui ne lui est pas imposée dans la religion. Donc c'est le fait qu'une personne se rende obligatoire une adoration qui, en islam, n'est pas obligatoire à la base. Nouana, cet homme a fait le vœu de sacrifier un chameau à Nouana, qui est une petite montagne, un monticule, derrière Yanbu'a, qui est une ville en Arabie Saoudite. Wathan, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé est-ce qu'il y a là-bas une divinité qui est adorée en dehors d'Allah, Al-Wathan, qui est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, comme tombe ou autre. Eid, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé une deuxième question, est-ce qu'il y a là-bas une fête parmi leurs fêtes? Et Al-Eid signifie le nom d'un rassemblement qui se répète de façon habituelle. C'est un rassemblement qui se répète de façon habituelle et continuelle. Ala shartihima, donc le hadith, la chaîne de transmission est authentique selon leurs conditions, c'est-à-dire de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim, c'est-à-dire que cette chaîne de transmission répond aux exigences de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, qui est le fait que la chaîne de transmission soit constituée de rapporteurs qui sont dignes de confiance, qui savent ce qu'ils disent et que cela ne comporte pas de choses contraires ni de problèmes particuliers. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith. يذكر الراوي أن رجلا التزم لربه أن ينحر إبلا في موضع معين على وجه الطاعة والقربة وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفيذ فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه فلما علم صلى الله عليه وسلم بخلو هذا المكان من تلك المحاذير أفتى بتنفيذ النذر ثم بين صلى الله عليه وسلم النذر الذي لا يجوز الوفاء به وهو ما كان المنذور فيه معصية لله عز وجل أو لا يدخل تحت ملك الناذر. Le sens général de ce hadith. Cheikh Fawzan dit, le rapporteur du hadith, qui est Thabit ibn Dhahhak, radiyallahu anhu, rapporte qu'un homme s'est imposé vis-à-vis de son Seigneur, Allah Azzawajal, de sacrifier un chameau dans un endroit bien précis. Et ceci en guise d'obéissance et pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'application de ce vœu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé des détails supplémentaires ou des informations supplémentaires avant de pouvoir lui répondre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé est-ce qu'il y a dans cet endroit ou est-ce qu'il y a eu dans cet endroit des choses qui ont été adorées par les mouchriquines ou des choses qui sont présentes, que les polythéistes immensifiaient. Et est-ce qu'il y a dans cet endroit également des choses qui faisaient que les polythéistes se réunissaient de façon habituelle? Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris connaissance qu'il n'y avait rien de tout cela dans cet endroit, alors il a donner la réponse à cet homme qui est de mettre en application son vœu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a profité pour expliquer les sortes de vœux qu'il est interdit de mettre en pratique. La première sorte, qui est le vœu comportant de la désobéissance à Allah Azzawajal, est le vœu de faire une chose que la personne n'a pas en sa possession. Comme le fait de faire le vœu de donner telle ou telle chose à Allah, pour Allah, alors que cette chose, tu ne la possèdes pas. مناسبة الحديث للباب أن فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, qui est le chapitre de ne pas sacrifier pour Allah dans un endroit dans lequel il y est sacrifié pour autre qu'Allah. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre est l'interdiction de sacrifier pour Allah dans un endroit dans lequel il y s'y trouve des divinités parmi les divinités de la période anté-islamique ou dans lequel se réunissaient en guise de fête les polythéistes, même si cela n'existe plus. وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ Même si cet endroit n'est plus pris comme un endroit de réunion ou comme un endroit de rassemblement en guise de fête. Si auparavant il y a eu ce genre de choses, cela suffit pour interdire de sacrifier une bête pour Allah dans cet endroit. Ma yustafadu min al-hadith. أولا المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عين له وثن ولو بعد زواله. Ce que l'on retient du hadith, premièrement l'interdiction de mettre en pratique ou d'appliquer un vœu dans un endroit précis dans lequel se trouve une divinité, même si elle ne s'y trouve plus. ثانيا المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. Deuxièmement, l'interdiction d'appliquer un vœu dans un endroit dans lequel qui était pris comme un endroit de fête dans la période anté-islamique, même si cette fête n'existe plus. ثالثا استفسار المفتي من المستفتي قبل الفتوى. Troisièmement, le retient de ce hadith, le fait que le mufti, celui qui va donner une réponse, celui qui va donner une fatwa, demande des informations supplémentaires à celui qui le questionne avant de dire sa fatwa. Quatrièmement, rabi'an, saddu dhari'ati al-mufdiyati ila shirk. Quatrièmement, on retient de ce hadith la fermeture à toutes les portes qui pourraient amener au shirk. خامسا ترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يقصد ذلك. Cinquièmement, le retient de ce hadith, de délaisser la ressemblance aux polythéistes dans leurs adorations ou dans leurs fêtes, même si ce n'est pas le fait de leur ressembler ni dans leurs adorations, ni dans leurs fêtes, qui évoluent, car ici le prophète sallam aurait interdit à cet homme de sacrifier une bête pour qui ? Pour Allah. Sadisan, anna zabha lillahi fil makani alladhi yudbahu fihi al-mushrikoun, alladhi yadbahu fihi al-mushrikoun, aw yattakhidhunahu mahallan li'idihim ma'asiyah. Sixièmement, que celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, sixièmement, que celui qui sacrifie pour Allah dans un endroit dans lequel les polythéistes y sacrifient ou qu'ils prennent comme lieu de fête, que ceci est une désobéissance. Ceci est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois que la question avait été posée la semaine dernière, non ? Comment doit-on considérer celui qui sacrifie pour Allah dans un endroit dans lequel il est sacrifié pour autre qu'Allah ? Elle n'avait pas été posée la question la semaine dernière ? Si, j'en suis sûr. Et la réponse est, c'est une désobéissance à Allah Azza wa Jal. Sabi'an, anna nazar al-ma'asiyati la yajuzul wafa'u bih. Septièmement, que le vœu qui comporte une désobéissance à Allah Azza wa Jal, il est interdit de le mettre en pratique. Thaminan, anna an-nazr alladhi la yamlikuhu an-nazir kan qala lillahi alayya an a'tiq 'abda fulan la wafa'a lah. Huitièmement, que le vœu de le vœu comportant une chose que la personne ne possède pas, qu'il n'a pas à le mettre en pratique. Comme le fait de dire, ici, Cheikh Al-Fawzan donne un exemple, comme le fait de dire, je m'impose ou je me rends obligatoire vis-à-vis d'Allah d'affranchir l'esclave d'un tel. Il fait le vœu auprès d'Allah d'affranchir l'esclave de telle personne. Est-ce qu'il possède cet esclave pour l'affranchir? Non. Donc il n'a pas à mettre en pratique ou à appliquer ce vœu. Tasi'an. وجوب الوفاء بالنذر الخالي من المعصية الداخل تحت ملك الناذر. Neuvièmement, on retient de ce hadith l'obligation d'appliquer le vœu qui ne comporte pas de désobéissance et que la personne a en sa possession. عاشرا أن النذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. Dixièmement, que le vœu est une adoration, qu'il est interdit de vouer à autre qu'Allah. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah babun min ash-shirk an-nadhru li ghayrillah. Neuvièmement, l'obligation de mettre en pratique le vœu lorsque celui-ci ne comporte pas de désobéissance et lorsque la personne l'a en sa possession. ثم قال المؤلف باب من الشرك النذر لغير الله. الإمام محمد بن عبد الوهاب ouvre le chapitre fait partie du shirk, le fait de vouer ou de diriger un vœu à autre qu'Allah. وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, et ils mettent en pratique leur vœu. Le verset 7 de Sourate Al-Insan. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le verset 270 de Sourate Al-Baqarah, quelles que soient les dépenses que vous faites, ou les vœux que vous avez faits, Allah le sait. Munasabatu hadha al-bab li kitab al-tawhid. أن المصنف رحمه الله بين فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد وهو النذر لغير الله ليحذر ويجتنب. Quel est le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid? L'auteur رحمه الله montre dans ce chapitre les différentes formes de shirk qui contredisent le Tawhid. Et ici il s'agit du fait de diriger un vœu pour autre qu'Allah, afin de prendre garde à ceci et de s'en éloigner, de s'en abstenir. ثم قال الشيخ الفوزان من الشرك أي الأكبر النذر لغير الله لأنه عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك والنذر مصدر نذر ينذر أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له وأصله في اللغة الإجاب يفون بالنذر يتممون ما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات ما شرطية ويجوز أن تكون موصولة أنفقتم من نفقة يشمل كل صدقة مقبولة وغير مقبولة أو نذرتم من نذر يشمل كل نذر مقبول وغير مقبول فإن الله يعلمه أي فيجازيكم عليه ففيه معنى الوعد والوعيد. Donc les différents termes que Cheikh Al-Fawzan explique, min al-shirki fait partie du polythéisme. Donc, dans le titre de ce chapitre, fait partie du polythéisme, le fait de diriger un vœu pour autre qu'Allah. Ici, le polythéisme qui évolue, c'est le grand polythéisme. Al-shirk al-akbar. Al-nazru li-ghayrillah, le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah. Car le vœu est une adoration. Et le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah est du polythéisme. Et le nazr, le vœu, c'est le masdar de nazara yanzuru, qui est le fait de rendre obligatoire à soi-même une chose qui n'est pas obligatoire en islam, ta'zim lil manzuri la. Ceci en guise d'immensification de celui vers qui l'on dirige ce vœu. Donc lorsque tu fais un vœu, lorsque tu t'obliges de faire une adoration pour Allah, tu le fais parce que tu immensifies Allah, parce que tu respectes Allah, parce que tu veux te rapprocher de lui. Ainsi, celui qui fait un vœu pour autre qu'Allah aura alors immensifié cette chose en dehors d'Allah et lui aura donné une importance qui n'est pas la sienne. Et linguistiquement, un nazru, comme le cheikh l'a dit précédemment, cela signifie le fait de s'imposer, le fait d'imposer. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, dans le verset 7 de Sourate Al-Insan, yufuna bin nazr, ils appliquent leur vœu, c'est-à-dire qu'ils font et mettent en pratique ce qu'ils ont imposé à eux-mêmes comme obligation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils ont fait le vœu de jeûner, ils jeûnent. S'ils ont fait le vœu de prier, ils prient, ils mettent en application leur vœu. Puis le cheikh parle de ma, ici, le pronom ma, qui est shartiya, ici, dans le verset de Surat Al-Baqarah, qui est ici une condition, mais ça peut être aussi un ma mansoula. Ici, il faut revenir à la grammaire pour comprendre les deux façons de les deux significations de ma ici dans ce verset 270 de Sourate Al-Baqarah. Anfaqtum min nafaqatin yashmalu kulla sadaqatin maqbulatin aw ghayr maqbula. Quelles que soient les dépenses que vous faites. Ma anfaqtum min nafaqatin. C'est-à-dire toutes les dépenses que vous faites, qu'elles soient acceptées ou non. Qu'elle soit acceptée ou non. Aw nazartum min nazrin. Ici également, cela englobe l'ensemble des vœux. Quelles que soient les dépenses que vous faites ou les vœux que vous avez faits, ici les vœux, ce soit concernent ou englobe le vœu accepté auprès d'Allah comme celui qui n'est pas accepté. Fa inna Allah ya'lamu. Allah le sait, c'est-à-dire qu'Allah vous rétribuera en fonction de ce que vous avez fait. Et il y a dans cela le sens à la fois de la récompense et du châtiment. Si tu as fait une dépense comme il se doit, et si tu as dépensé pour Allah de l'argent licite, eh bien tu en seras récompensé. Et si tu as dépensé de façon illicite, alors tu en seras châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même pour le nazr, de même pour le vœu. Si tu as fait un vœu d'une chose que tu possèdes et qui comporte une obéissance à Allah Azza wa Jalla, alors Allah te récompensera. Et si tu fais un vœu qui comporte une désobéissance, eh bien dans ce cas Allah te châtiera. المعنى الإجمالي للآيتين أن الله يمدح الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات كما أنه يخبر سبحانه أنه يعلم كل صدقة تصدقنا بها وكل عبادة التزمناها له أو لغيره وسيجازي كلا على حسب نيته وقصده. Le sens général de ces deux versets, Allah Azza wa Jal fait l'éloge dans ce premier verset, de ceux qui adorent Allah en s'imposant à eux-mêmes une adoration parmi les adorations. De même que dans le deuxième verset, Allah Azzawajal nous informe qu'il sait toute dépense que nous faisons et toute adoration que nous nous sommes imposés, il sait si nous la faisons pour lui ou pour autre que lui. Et Allah Azzawajal rétribuera chacun selon son intention et selon son but. مناسبة الآيتين للباب أنهما يدلان على أن النذر عبادة حيث مدح الموفين به وهو لا يمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محذور كما أنه أخبر أنه يعلم ما يصدر منا من نفقات ونذور وسيجازين على ذلك فدل ذلك على أن النذر عبادة وما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. Le contexte de ces deux versets dans ce chapitre. Ces deux versets prouvent que le vœu est une adoration. Car Allah Azza wa Jal a fait l'éloge de ceux qui les mettent en application. Allah Azza wa Jal, dans Sourate Al-Insan, lorsqu'il parle de ceux qui mettent en application leur vœu, Allah Azza wa Jal le dit dans un contexte d'éloge. Et Allah Azza wa Jal ne fait l'éloge que d'un acte, ne fait l'éloge que d'une chose qui est obligatoire que l'on fait ou le fait de délaisser un interdit. Allah Azza wa Jal informe également qu'il sait tout ce qui émane de nous comme dépenses et vœux et qu'il nous récompensera ou rétribuera selon cela. Cela prouve que donc, dans ces deux versets, que le vœu est une adoration et que celui qui voue une adoration à autre qu'Allah a commis du polythéisme. ما يستفاد من الآيتين أولا أن النذر عبادة فيكون صرفه لغير الله شركا أكبر. Premièrement, ce que l'on retient de ces deux versets, que le vœu est une adoration et de vouer cette adoration à autre qu'Allah est du grand polythéisme. ثانيا إثبات علم الله تعالى بكل شيء. Deuxièmement, l'attestation qu'Allah est savant de toutes choses. ثالثا إثبات الجزاء على الأعمال. Troisièmement, qu'il y a une rétribution vis-à-vis des actes. رابعا الحث على الوفاء بالنذر. Quatrièmement, l'encouragement à mettre en pratique et en application les vœux. ثم قال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه رواه البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده. Et dans le sahih, selon Aisha رضي الله عنها, dans le sahih, c'est-à-dire le sahih de l'imam al-Bukhari, selon Aïcha radiallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse, et celui qui fait le vœu de désobéir à Allah, qu'il ne lui désobéisse pas. » قال الشيخ الفوزان حفظه الله عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خديجة ففي تفضيلها عليها خلاف توفيت سنة 57 في الصحيح أي صحيح البخاري فليطعه أي فليفعل ما نذره من طاعته فلا يعصيه فأي فلا يفعل ما نذره من المعصية. عائشة, qui est la mère des croyants, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la fille d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anha, radiyallahu anhuma. Et c'est la femme qui avait la plus grande compréhension de l'islam. Et c'est la meilleure des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hormis Khadija. Et il y a dans sa préférence vis-à-vis de Khadija un khilaf, une divergence entre les savants. Elle est décédée, rahimahallah, la 57e année de l'Hégire. Dans le Sahih, c'est-à-dire le Sahih de l'imam al-Bukhari, et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui obéit, celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, qui lui obéisse, c'est-à-dire qu'il mette en application ce qu'il a, le vœu qu'il a fait, qui est une adoration et une obéissance. Qu'il ne lui désobéisse pas, dans la deuxième partie du hadith, c'est-à-dire qu'il ne mette pas en application et qu'il ne fasse pas ce vœu qui comporte de l'interdit. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من صدر منه نذر طاعة أن يوفي بنذره كمن نذر صلاة أو صدقة أو غير ذلك وينهى من صدر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره كمن نذر الذبح لغير الله أو الصلاة عند القبور أو السفر لزيارتها أو غير ذلك من المعاصي. Le sens général du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne celui dont émane un vœu d'obéissance de mettre en application son vœu. Comme celui qui fait le vœu de prier ou de faire une aumône ou autre, et il interdit celui dont émane un vœu comportant de l'interdit de ne pas le mettre en pratique. Comme celui qui a fait le vœu de sacrifier pour autre qu'Allah, ou celui qui a fait le vœu de faire une prière auprès d'une tombe, ou celui qui a fait le vœu de voyager pour visiter une tombe, ou toute autre chose interdite. Munasabatul hadith lil bab, annahu dalla ala anna an-nadhra yakunu ta'atan wa yakunu ma'siyah, fadalla ala annahu ibadah, faman nadhara li ghayri Allah faqad ashraka bihi fi ibadatihi. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Ce hadith prouve que le vœu peut être une obéissance, comme il peut être une désobéissance. Ainsi, ce hadith prouve que le vœu est une adoration. Et celui qui dirige un vœu à autre qu'Allah a associé à Allah dans son adoration. Ma yustafadu min al-hadith. أولا أن النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك. Premièrement, que le vœu est une adoration et de le vouer à autre qu'Allah est du polythéisme. ثانيا وجوب الوفاء بنذر الطاعة. Deuxièmement, l'obligation d'appliquer, de mettre en pratique le vœu d'obéissance. ثالثا تحريم الوفاء بنذر المعصية. Troisièmement, l'interdiction de mettre en pratique le vœu de désobéissance. ثم قال المؤلف رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Le chapitre fait partie du shirk, le fait de demander la protection à autre qu'Allah. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, il y avait parmi les humains des hommes qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela n'a fait qu'accroître leur détresse. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد وهو الاستعاذة بغير الله ليحذر ويجتنب. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Il y a dans ce chapitre l'explication d'une forme parmi les formes du polythéisme qui contredit le Tawhid. Ici il s'agit de la demande de protection à autre qu'Allah, afin d'y prendre garde et de s'en abstenir. Al-isti'adatu lughatan al-iltija'u wal-i'tisam والتحرز وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه يعوذون بأن يقول أحدهم إذا أمسى بواد وخاف من الجن أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه رهق خوفا أو إثما الاستعاذة la demande de protection. En arabe, cela signifie le fait de s'en remettre, de demander la protection ou de rechercher le refuge. Et la réalité de l'isti'adha, de la demande de protection, c'est le fait de se sauver d'une chose que tu redoutes vers celui qui t'en protégera. De se sauver d'une chose que tu redoutes, qui te fait peur, vers celui qui te protégera de cette chose. Et dans la parole d'Allah Azzawajal, il y avait parmi les humains des hommes qui cherchaient protection. Qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. Qui cherchaient protection. Comment ces hommes cherchaient protection auprès des djinns? Cheikh Al-Fawzan dit... Lorsque l'un d'entre eux passait la nuit dans un endroit, dans une vallée, ou dans un endroit isolé, et qu'il avait peur des djinns, il disait « Je demande la protection du maître de cette vallée ou de ce lieu contre les mauvais de son peuple. » Contre les mauvais de son peuple. Ces hommes demandaient la protection du maître des djinns pour ne pas être atteints par le mal des membres du peuple de ce djinn. Rahaqa, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit, et cela n'a fait qu'accroître leur détresse, rahaqa, khawfan ou ithma. Ici, il y a deux sens. Soit le fait de demander la protection auprès des djinns n'a fait qu'accroître leur peur, et l'on verra tout à l'heure pourquoi, ou soit cela n'a fait qu'accroître leur péché et le mal qu'ils ont commis. Al-ma'na al-ijmali lil-aya, an Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru anna ba'd al-insi yalja'una ila ba'd al-jinni litu'amminahum mimma yakhafun, wa anna al-multaji'a bihim وأن الملتجئ بهم زاد الملتجئين خوفا بدل أن يؤمنوهم وهذا معاملة لهم بنقيض قصدهم وعقوبة من الله لهم. Le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jalla informe que certains parmi les humains retournaient et recherchaient refuge auprès de certains djinns afin qu'ils les mettent en sécurité vis-à-vis de ce qu'ils redoutaient. Et ceux à qui on demandait la protection parmi les djinns n'ont fait qu'accroître la peur de ceux qui ont cherché refuge auprès d'eux, au lieu de les rassurer et de faire en sorte qu'ils soient en paix. Et ceci est... de la part des djinns, un agissement contraire à la demande qui leur a été adressée, et c'est également un châtiment de la part d'Allah vis-à-vis de ces humains qui ont recherché le refuge auprès des djinns. Au lieu d'avoir la tranquillité et le salut et la sécurité, eh bien ils ont eu encore plus peur que la peur qu'ils avaient avant de demander le refuge auprès de ces djinns. مناسبه الايه للباب ان الله حكى عن مؤمن الجن انهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وامنوا به ذكروا اشياء من الشرك كانت تجري من الانس في الجاهليه من جملتها الاستعاذه بغير الله وذلك من باب الاستنكار لها. Quel est le contexte de ce verset dans ce chapitre? Allah Azza wa Jal nous parle des croyants parmi les djinns. qui, ces croyants parmi les djinns, après que la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur est apparue, et une fois qu'ils ont cru au message de l'islam, ils se sont rappelés des choses qui font partie du polythéisme, des choses qui provenaient des humains dans la période anté-islamique, et parmi ces choses dont ils se sont rappelés, le fait de demander la protection à autre qu'Allah, et ils ont cité cela, bien sûr, en guise de réprimande et de condamnation. En guise de réprimande et de condamnation, et bien sûr les djinns croyants ont cité d'autres choses, celui qui veut en prendre connaissance dans les détails, qu'il retourne à Sourate Al-Jinn. « Ma yustafadu min al-aya » أولا أن الاستعاذة بغير الله شرك لأن مؤمن الجن قالوا ولن نشرك بربنا أحدا ثم ذكروا بعد ذلك وجه الاستنكار وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. Premièrement, le retient de ce verset que le fait de demander la protection à autre qu'Allah est du polythéisme. Car les croyants parmi les djinns ont dit « Et nous n'associerons rien à notre Seigneur. » Et ensuite, après avoir dit cela, ils ont cité les différentes choses qu'ils condamnent. Et parmi ces choses qu'ils condamnent, le fait que des hommes parmi les humains demandaient la protection au mal parmi les djinns. « Thaniyan, umumu risalati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al-thaqalayn » Deuxièmement, on retient de ce verset l'universalité du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que ce message de l'islam s'adresse à la fois aux djinns mais aussi aux humains. Thalithan, anna l'isti'adata bi ghayrillahi tourithu al-khawfa wal-da'f. Troisièmement, on retient de ce verset que celui qui demande la protection à autre qu'Allah, que cela ne va engendrer que peur et faiblesse. Celui qui demande la protection à autre qu'Allah connaîtra plus de peur et sera plus faible qu'il ne l'était avant de demander cette protection interdite à autre qu'Allah. Rabi'an, yufhamu min al-ayah, anna l'isti'adata billahi tourithu quwwatan wa amna. Alors on comprend de ce verset que de demander la protection d'Allah apporte la force et la sécurité. Car si de demander la protection à autre qu'Allah n'amène que peur et faiblesse, eh bien le contraire est vrai. Celui qui demande la protection à Allah, cela lui apportera force et sécurité. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. Et selon خولة, la fille de حكيم, elle a dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui arrive dans un endroit, puis dit: je demande la protection par les paroles d'Allah complètes du mal présent dans ce qu'il a créé, aucun mal ne le touchera jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Aucun mal ne le touchera jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Hadith authentique rapporté par l'imam Muslim. Khawlatu bintu Hakim, hiya bintu Hakim bin Umayya as-Sulamiyya, kanat zawjatan li Uthman bin Maz'un radiyallahu anhu, wa kanat salihatan fadilah. Khawla bintu Hakim, C'était la fille de Hakim bint Umayya al-Sulamiyya, qui était une des femmes de Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu, et c'était une femme pieuse et qui avait de grands mérites. Bi kalimati Allah al-muraduha huna al-Qur'an at-tammat al-kamilat التي لا يلحقها نقص ولا عيب من شر ما خلق أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره. Par les paroles d'Allah. Je demande la protection par les paroles d'Allah. Ici, les paroles d'Allah qui sont venues, c'est le Coran. At-tammat, complète, c'est-à-dire les paroles complètes qui ne comporte ni défaut ni manquement. Min sharri ma khalaq, du mal présent dans ce qu'il a créé, c'est-à-dire de tout mal présent dans n'importe quelle créature qui a du mal en soi, que cette créature soit un animal ou autre. Tu demandes la protection à Allah du mal présent dans n'importe quelle de ses créatures. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith. Yarshudu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ummatahu ila al-isti'adati an-nafi'ati allati yandafi'u biha kullu mahdhurin yakhafuhu al-insanu 'indama yanzilu buq'atan min al-ard bi an yasta'idha bi kalamillahi ash-shafi al-kafi al-kamil من كل عيب ونقص ليأمن من في منزله ذلك ما دام مقيما فيه من كل غائلة من كل غائلة سوء. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirige sa communauté à demander la protection bénéfique qui repousse toute chose que la personne redoute et dont elle a peur lorsqu'elle arrive dans un endroit de la terre. Ceci en demandant la protection par la parole d'Allah, celui qui guérit, celui qui suffit, celui qui est complet. De la parole d'Allah Azzawajal qui est complète et qui est dénuée de tout défaut et de tout manquement, afin que cette personne se trouve en sécurité dans l'endroit où elle arrive, et ceci tout le moment, et ceci durant toute la période dans laquelle elle restera dans cet endroit, elle y sera préservée de tout malheur et de toute calamité. Munasabatul hadith lil bab. أن فيه إرشادا إلى الاستعاذة النافعة المشروعة بدلا من الاستعاذة الشركية التي كان يستعملها المشركون. Quel est le contexte de ce hadith dans ce chapitre? Il y a dans ce hadith un conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirige, à savoir de demander la protection bénéfique et légiférée, au lieu de demander la demande de protection qui comporte du polythéisme, ces demandes de protection que faisaient les polythéistes, al-mushrikoun. Ma yustafadu min al-hadith. Awalan bayanu أن الاستعادة عبادة. Premièrement, ce que l'on retient de ce hadith, que la demande de protection est une adoration. ثانيا, أن الاستعادة المشروعة هي ما كانت بالله أو بأسماء الله وصفاته. Deuxièmement, que la demande de protection légiférée est celle qui est faite par Allah ou par les noms d'Allah et ses attributs. tu demandes la protection d'Allah par Allah ou par ses noms et attributs. Car ici, dans le hadith que l'on étudie, je demande, le professeur Asselam nous dirige et nous recommande de dire, je demande la protection par les paroles d'Allah, par le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran est un des attributs, ou la parole d'Allah est l'un de ses attributs. ثالثا أن كلام الله غير مخلوق لأن الله شرع الاستعاذة به والاستعاذة بالمخلوق شرك كما سبق فدل على أنه غير مخلوق. Troisièmement, c'est un point extrêmement important, que la parole d'Allah n'est pas créée. La parole d'Allah n'est pas créée, car la parole d'Allah est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Cela fait partie des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment est-ce que l'on pourrait prouver que la parole d'Allah n'est pas créée, n'est pas une créature? Car Allah azza wa jal a légiféré le fait de demander sa protection par sa parole, par le Coran. Et le fait de demander la protection à une créature est du shirk. Donc cela prouve que la parole d'Allah n'est pas créée, mais qu'elle fait partie des caractéristiques dont est doté Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, fadilatu hada du'a'i ma'a ikhtisarih. Quatrièmement, les mérites de cette invocation, malgré qu'elle soit courte. A'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. Tu dis cette invocation, et Allah Azza wa Jal te protège de tout mal jusqu'à ce que tu quittes cet endroit dans lequel tu viens d'arriver. Khamisan, anna nawasil makhluqati biyadillah. Cinquièmement, que le toupet des créatures est entre les mains d'Allah. Que c'est Allah Azza wa Jal qui décide et que c'est Allah Azza wa Jal qui te protège. باب ثم قال المؤلف رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Le chapitre fait partie du polythéisme, le fait de demander le secours à autre qu'Allah ou d'invoquer autre que lui. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le verset 106 de Sourate Yunus, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne te sera d'aucun bénéfice et ce qui ne pourra te causer préjudice. Et si tu fais, c'est-à-dire, si tu adores en dehors d'Allah, alors tu feras partie des injustes. Ici, Allah Azza wa Jalla s'adresse à qui? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Munasabatu hadha al-bab li kitab al-tawhid, annahu dhakara fihi naw'an min anwa'i al-shirk al-munafi lit-tawhid, wa huwa an yastaghitha bighayrillahi aw yad'u ghayrahu. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. L'auteur a cité dans ce chapitre une forme de polythéisme qui contredit le Tawhid, qui est ici le fait de demander le secours à autre qu'Allah ou d'invoquer autre que lui. An yastaghitha al-istighathatu talabu al-ghawth min izalati ash-shiddah. Aw yad'u al-farq bayna al-istighathati wad-du'a. أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب وأما الدعاء فيكون من المكروب وغيره ما لا ينفعك إن عبدته ولا يضرك إن لم تعبده فإن فعلت أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من الظالمين من المشركين فإن الشرك أعظم الظلم. Puis, Cheikh Al-Fawzan explique les différents termes de ce verset. Et d'abord du nom dans le chapitre. Agnès Tarif. Le chapitre fait partie du polythéisme, le fait de demander le secours. Agnès Tarif. Et Al-Istirafa, c'est le fait de demander le secours afin d'éradiquer un danger, qui est le fait d'éradiquer un danger. Aou yad'ou, ou qui invoque, fait partie du polythéisme, celui qui demande la protection à autre qu'Allah, ou invoque autre qu'Allah. Et ici, Cheikh Al-Fawzan dit que la différence entre la demande du secours et l'invocation est que la demande de secours n'émane que de celui qui est en détresse. Quant à l'invocation, elle émane de celui qui est en détresse comme de celui qui n'est pas en détresse. Donc, l'invocation est plus vaste que la demande de secours. Et la demande de secours est incluse dans l'invocation. Mala yanfa'uk, dans le verset censé de Sourate Yunus, ce qui ne peut être bénéfique. C'est-à-dire, si tu l'adores, n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut être bénéfique. C'est-à-dire, si tu l'adores, il ne te sera d'aucun bénéfice. Et qui ne pourra te faire aucun préjudice. C'est-à-dire, si tu ne l'adores pas. Si tu fais, c'est-à-dire, si tu invoques en dehors d'Allah ce qui ne t'est d'aucun bénéfice et ce qui ne pourra te causer aucun préjudice, tu feras alors partie des injustes, c'est-à-dire des polythéistes, car le shirk, le polythéisme, est la plus immense des injustices. Al-ma'na al-ijmali lil-ayah. ينهى الله نبيه أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر ثم يبين له حكمه لو فرض أن دعا غير الله بأن يكون حينئذ من المشركين وهذا النهي عام لجميع الأمة. Le sens général de ce verset. Allah interdit à son prophète d'invoquer quiconque parmi les créatures faibles qui sont incapables d'apporter un bien ou de repousser un mal. Puis, il lui a expliqué le jugement. S'il était amené à invoquer autre qu'Allah, à savoir qu'il ferait alors partie des polythéistes. Et ceci est une interdiction générale à l'ensemble de la communauté. Allah Azza wa Jalla s'est adressé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ce message est adressé aussi à l'ensemble de la communauté. Munasabatu al-ayati lil-bab anna fiha an-nahya an du'a'i ghayri Allahi wa annahu shirkun yunafi at-tawhid. Le contexte de ce verset dans ce chapitre, qu'il y a dans ce verset l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah et que cela fait partie du shirk qui contredit le tawhid. Ma yustafadu min al-ayah. Awalan, anna du'a'a ghayri Allahi shirkun akbar. Premièrement, que d'invoquer autre qu'Allah est du grand polythéisme. Thaniyan, anna aslaha an-nas law da'a ghayra Allah صار من الظالمين أي المشركين فكيف بغيره. Deuxièmement, que la personne la plus vertueuse, qui est ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si elle était amenée à invoquer autre qu'Allah, elle ferait alors partie des injustes, c'est-à-dire des polythéistes. Que dire si c'est autre que cette personne qui est invoquée autre qu'Allah. Thalithan, bayanu ajzi alihati al-mushrikin wa butlani ibadatiha. Troisièmement, ce verset nous montre l'incapacité des idoles adorées par les polythéistes et la nullité de cette adoration. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم إلى قول الله عز وجل في الآية 107 من سورة يونس qui est le verset qui suit celui qu'on vient d'expliquer. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs, et c'est lui le pardonneur et le tout miséricordieux. قال الشيخ الفوزان وإن يمسسك أي إن يصبك بضر بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر فلا كاشف لا رافع فلا راد لا دافع. Les termes du verset. وإن يمسسك et si Allah fait qu'un mal te touche. Yamseska, c'est-à-dire si un mal te touche, si il te touche. Bidurrin, un mal, ça peut être une pauvreté, une maladie ou toute autre forme de mal. Falaka shifa, nul ne peut te l'ôter, nul ne peut t'écarter en dehors de lui. Nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Nul ne peut enlever ce mal et le ôter en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et si il te veut un bien, فَلَا رَادَّ أَيْ لَدَافِعَ personne ne peut le repousser et personne ne peut te priver de ce bien qu'Allah Azza wa Jal te veut. الْمَعْنَ الْإِجْمَالِ لِلْآيَةِ يخبر تعالى أنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده دون غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكهما لغيره. Le sens général de ce verset. Allah عز وجل informe que c'est le seul qui détient la royauté, que c'est le seul qui a la suprématie, que c'est le seul qui a le pouvoir de donner et de priver, et c'est le seul qui a le droit, qui a le pouvoir d'apporter un mal ou un bien. Personne autre que lui ne le peut. Et ceci implique que c'est le seul qui doit être invoqué, que c'est le seul qui doit être adoré. Et ne pas adorer ceux qui, en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala, ne possèdent ou ne peuvent pour leur propre personne ni bien ni mal, comment peuvent-ils l'accorder à autre qu'eux. مناسبة الآية للباب أن فيها بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء ونحوه وأن دعاء غيره شرك لأنه لا ينفع ولا يضر. Le contexte de ce verset dans ce chapitre. Il y a dans ce verset l'explication qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui mérite d'être adoré par l'invocation ou autre. Et que celui qui invoque autre qu'Allah et que le fait d'invoquer autre que lui est du polythéisme, car celui que tu auras invoqué en dehors d'Allah ne peut ni apporter un bien, ni repousser un mal. Ma yustafadu min al-ayah. أولا وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية لتفرده بتوحيد الربوبية. Premièrement, on retient de ce verset l'obligation d'unifier Allah Azza wa Jal dans le tawhid de l'adoration, car c'est lui que nous unifions dans le tawhid de la seigneurie. Parce que c'est à Allah que nous vouons le tawhid de la seigneurie, et bien, de par cela, il est logique et obligatoire que c'est à lui que l'on doit vouer le tawhid de l'adoration. Thaniyan, بطلان دعاء غير الله لعجزه عن نفع من دعاه ودفع الضر عنه. Deuxièmement, on retient de ce verset la nullité et la fausseté de l'invocation qui est faite à autre qu'Allah. Car celui qui est invoqué en dehors d'Allah est incapable d'apporter un bien à celui qui l'invoque, ni de repousser un mal qui pourrait le toucher. Thalithan, إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. Troisièmement, on retient de ce verset, l'on atteste la volonté à Allah سبحانه وتعالى. Car dans le verset, Allah عز وجل dit, يصيب به من يشاء من عباده. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. Donc cela prouve que المشيئة, la volonté, et attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, ithbatu sifatay al-maghfirati wal-rahmati lillahi subhanahu ala ma yaliqu bi jalalih. Quatrièmement, que l'on atteste des deux attributs qui sont le pardon et la miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela est propre à lui subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك